Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment 6 heures ? Bonjour tout le monde, merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible. Nous sommes le jeudi 14 janvier 2016. Dans un instant, on retrouve Jean-Pierre Mercier qui depuis lundi nous raconte l'histoire de Charlie et son esprit, surtout l'esprit français de Charlie, un certain esprit français. Dans un instant, donc le quatrième épisode. Et pour parler aussi des aventures et des mésaventures au sein de ce journal à part, je recevrai Denis Robert qui publie aux éditions Julliard une enquête fouillée qui peut se lire aussi comme un pamphlet mohican. Il sera donc mon invité aux alentours de 6h15. Tout de suite, tête chercheuse, Jean-Pierre Mercier. Charlie, un esprit français, par l'historien Jean-Pierre Mercier, par ailleurs conseiller scientifique à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Bonjour Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Aujourd'hui, quatrième épisode, mort et renaissance de l'esprit rebelle. Oui, puisque Charlie va traverser les années 70, il va être porté, j'allais dire, par une époque qu'il avait si bien senti, si bien décrypté. Qu'est-ce qui va se passer quand les années 80 vont surgir, quand la gauche va prendre le pouvoir? Est-ce que c'est pas déjà le début de la désillusion, de l'éclatement de cette bande qui était dopée à l'humour bête et méchant? Vous disiez avant? C'est même avant. Oui. Parce que ce qui se passe, c'est que ils sont sur, on dirait, un ensemble de luttes ou de points importants sur la politique, par exemple les tribunaux militaires, sur le droit à l'avortement, sur un ensemble de choses comme ça, la liberté de la presse, la censure. Et justement, l'effet de mai 68 va se démultiplier. Il y a l'élection de Giscard, donc l'élection de Giscard en 74, qui va accorder le droit de vote à 18 ans. La fameuse loi de Veil sur l'avortement, qui sont des choses qui vont tomber d'elles-mêmes, et une certaine forme de libéralisation des médias. Il n'y a plus la censure qu'on a pu connaître l'époque gaulliste et popidolienne où c'était quand même assez vertical. Là, c'est un peu plus libre. Et donc, il y a une société qui va s'installer dans ces choses-là, et le côté tranchant de Charlie Hebdo, d'Harakiri, ça porte moins. Et ce qui est assez symbolique, c'est que quand en 80 Mitterrand est élu, le journal s'arrête. Et c'est l'arrêt de Charlie Hebdo. C'est l'arrêt de Charlie Hebdo en 80. C'est-à-dire qu'il perdait ses lecteurs. Il perdait ses lecteurs au fur et à mesure. Ouais. Ils ont changé les formules. Il y avait un esprit dans Harakiri, dans le premier Charlie Hebdo. Il y avait une déconnexion avec par exemple tout le petit monde du café théâtre. Ils connaissaient très bien Romain Bouteille et Coluche a toujours dit qu'il leur devait beaucoup. Et quand Coluche devient une star, il rend hommage à Rezer, il rend hommage à Harakiri, il devient un des arguments de vente du journal. Et quand il se présente aux élections, Charlie Hebdo devient l'organe officiel de la campagne électorale de Coluche, qui se termine comme on sait. Voilà. Donc, mais c'est un journal qui... Ouais, mais ça se passe pas sans débat houleux à l'intérieur de l'équipe. Hein, que Coluche débarquant, ça n'a pas fait l'unanimité, par exemple. Bien sûr. Alors, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce journal, c'est que chacun est responsable de sa page. On peut être en parfait désaccord, et alors Cavana et Delfeil l'ont illustré des dizaines et des dizaines de fois sur n'importe quel sujet. On reste ensemble même si on n'est pas d'accord. Et la grande différence qui me semble importante aussi pour Charlie Hebdo par rapport à d'autres journaux satiriques, c'est qu'il n'y a pas un primat du texte sur le dessin, c'est le contraire. Au départ, ça devait être un journal intégralement de dessin, ils ont mis du texte, mais les pages d'articles de Cavana ont la même valeur que les pages de Rezer réciproquement. Et la une, c'est jamais du texte, c'est toujours un dessin. Donc le dessin est quand même le fer de lance du journal. Et la capacité de ce journal à gérer, on va dire, les opinions divergentes, il n'y a pas une ligne On a une sensibilité commune, mais on peut avoir des opinions très différentes. Alors, et on vit ça, alors dans l'engueulade, mais aussi dans une certaine forme de convivialité, de vraie amitié, quoi. Comment le journal s'éteint en 81? Est-ce qu'on peut dire qu'il s'éteint et laisse tout le monde indifférent? Il y a un épisode qui est quand même assez important, c'est le passage chez Pollack. Parce que il y a une Pollack à la lumineuse idée de faire quelque chose sur la presse satirique, etc. Dans son émission Droit de réponse, bien sûr. Dans son émission Droit de réponse, et il fait venir l'équipe d'Arakiri, l'équipe de Minute, je crois, à l'époque, et ça se termine dans une espèce de pugilat, Choron insulte tout le monde et qui a l'air assez joliment pris de boisson aussi. Donc ça fait un scandale, toute la presse proteste, et le numéro d'après, c'est allez tous vous faire voir, et le journal s'arrête. En gros, c'est à peu près comme ça que ça se termine. Ça se termine parce que les ventes baissent, parce que Choron peut plus payer, et puis qu'ils sont arrivés, ils ont l'impression d'être arrivés au bout du bout. En plus, il y a des dissensions. Delfeuille est parti au Nouvel Obs parce qu'il n'était pas d'accord avec l'évolution de Charlie Hebdo. Il est resté dans Arakiri, mais il a quitté Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'il reprochait à l'évolution de ce journal? Alors, c'est compliqué parce que en fait, Delfeuille disait qu'on pouvait pas continuer comme ça. Que justement la société, il me semble, hein, moi dans ce que j'en ai retrouvé, et il voulait peut-être évoluer vers un journal culturel avec une formule un peu différente, essayer de changer peut-être un peu l'approche, de rester toujours aussi tranchant, mais d'être sur des contenus un peu différents. Et je pense que c'était pas du tout l'envie du reste de l'équipe. Et donc il est parti. Il était toujours très attaché à Arakiri, donc il est resté dans Arakiri, mais il est parti au Nouvel Obs, où il est toujours. Donc, mais je crois que c'était... Il y a une génération de gens qui ont eu 16 ans, 17 ans, et puis qui, 10 ans après, passent à autre chose, rentrent dans le monde du travail. En plus, c'est le début des télés privées Canal+. L'esprit Canal va se retrouver. Il y a des gens comme Berroyer qui vont se retrouver dans Canal, qui ont été des très bons contributeurs d'Arakiri et Charlie Hebdo. Donc cet esprit-là, il va diffuser, quoi. Il diffuse dans le cinéma, dans la culture en général. Et c'est toujours le problème des pionniers, c'est qu'on finit par oublier à quel point ils ont pu être importants, parce que on vit sur leurs acquis sans réellement s'en rendre compte. Et donc une génération abandonne petit à petit le journal. Le journal s'arrête donc. Mitterrand s'installe à l'Élysée et puis très vite... Choron décide de lancer une revue qui s'appelle Zéro, qui va durer 2 ans, je crois, qui est un journal satirique, mais qui a... Alors, en le revoyant, j'ai été frappé par quel point il était proche dans la maquette du deuxième Actuel, hein, le journal nouveau et intéressant, mais avec les anciens, GB, Cabu, etc., etc., des très belles pages, un peu d'actualité, beaucoup de satire, Topor revient, il y a des nouveaux dessinateurs, il y a le Fred Touron, des gens comme ça qui arrivent, ça dure 2 ans, et là, c'est pareil, il n'y a pas de lecteur et ça s'arrête. Et là, effectivement, pendant un certain temps, Charlie Hebdo disparaît, il n'y a plus d'Hebdo. Jusqu'à la guerre du Golfe. Alors là, on se rend compte qu'il y a un journal qui manque. C'est là où, à mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Jean-Pierre Mercier, l'aventure de la grosse Bertha vient parce que Charlie n'existe pas à cette époque. Exactement. Ça, c'est tout à fait vrai. Et je me souviens d'avoir entendu Cabu, mais pesté. Alors, Cabu est devenu, entre-temps, un des piliers et comment du Canard Enchaîné. C'est un caricaturiste génial. Et il a une production énorme, donc Canard est enchanté de l'avoir et ça marche très bien. Mais ce type d'humour ne le comble pas, ne le satisfait pas complètement. Et ça lui manque le côté un peu, on va dire, rentre-dedans de qu'avait Charlie Hebdo. Et il a très envie, il a vraiment très très envie. Et en fait, il a des contacts, il a un éditeur qui, de mémoire, je crois, s'appelait Jean-Cyril Godefroy. Il connaît un certain nombre de gens. Il y a Fonds Eval, pour lesquels il fait beaucoup d'affiches et de pochettes de disques. Il y a un petit groupe comme ça. Et en fait, ils se disent... La guerre du Golfe, on peut pas laisser faire ça. C'était la première guerre télévisée, je sais plus qui l'a dit. C'était une offensive médiatique absolument phénoménale. Et il y a quelque chose à faire là-dessus. Et donc, ils vont lancer la grosse Bertha, qui va durer quelques mois. avec les anciens qui reviennent, GB, Cabu, voilà, Reiser est mort entre-temps, hélas, Volinsky, tout le monde, une nouvelle génération de dessinateurs qui arrive. Alors c'est là qu'arrive Luz, c'est là qu'arrive Charb, c'est là qu'arrive, voilà, un peu tout le monde, le Fred Touron, enfin voilà. Et puis il y a à l'intérieur du journal une grosse discussion avec l'éditeur qui veut d'une certaine façon prendre le pouvoir. On l'envoie se faire voir. Et puis, ils retrouvent un peu leur jeunesse. Voilà. L'esprit anti-militariste, l'esprit anti-patron, la rébellion, l'esprit bête et méchant. Voilà, en fait. Absolument. Ils sont en plein dedans. Et il y a une réunion un soir où ils disent, bon, on se barre. Voilà, on s'en va. Val mène un peu la rébellion, si je me souviens bien. Et puis, oui, mais alors on va faire un nouveau journal. OK, on y est. Tout le monde est partant. Comment on l'appelle? Et là, Volinsky dit, c'est simple. On a qu'à l'appeler Charlie Hebdo. Le titre est libre. Et alors, il n'est pas complètement libre parce que, en fait, il appartient à Choron, mais ils vont le prendre et ça va être le début des ennuis, enfin, en tout cas, des dissensions avec Choron, parce que Choron n'est pas invité dans l'affaire. Et pourquoi ? Oh bah parce que je pense qu'il y avait un certain nombre de personnes à l'intérieur qui de cette nouvelle équipe qui n'avaient pas trop envie de travailler avec lui. Pourquoi ? Oh bah parce que je crois qu'il y avait des inimitiés, parce que Choron était Choron, c'est une grande gueule, enfin voilà, c'est un personnage tout à fait incroyable, et il y a des gens qui adorent ça. Vimin a toujours été très fan, par exemple, et de quelques autres, mais il y en a d'autres qui l'aiment pas beaucoup. Je pense pas à trahir un secret en disant que Val était pas un grand fan de Choron, par exemple. Donc on va pas l'inviter dans l'affaire, et on relance Charlie Hebdo. Ça, c'est 92, et ça va durer donc en gros jusqu'en 2014. Avec, au fur et à mesure du temps, des nouveaux collaborateurs, certains qui vont partir. Le Fred Touron claque la porte parce qu'il y a eu l'histoire avec Patrick Font, qui est attaqué en justice pour acte pédophile. Il veut faire des dessins. Val lui interdit, claque la porte en disant que c'est pas comme ça que ça va se passer. Et il va au Canard Enchaîné où il est toujours. Enfin voilà, il y a des petites histoires comme ça qui se déroulent. Mais le journal paraît toutes les semaines. Et là, il va se repasser, me semble-t-il, la même histoire qui s'est passée pour la première formule de Charlie Hebdo. C'est que petit à petit, on va s'installer dans une forme d'habitude. Et puis, le public va petit à petit déserter. Voilà. Et on arrive jusqu'en 2014. Alors, Val quitte le journal en 2009 dans des conditions qu'on sait pour devenir directeur de France Inter. Et ben justement, demain, on verra la suite et la fin de cette série consacrée à Charlie, un esprit français. Pour le cinquième et dernier épisode de cette série, à demain, Jean-Pierre Mercier. À demain. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Denis Robert, bonjour. Bonjour. Longtemps journaliste à Libération, que vous quittez en 1995, vous avez continué votre métier de journaliste d'investigation par les livres et par les documentaires. Ouais. Et puis, dernier livre paru chez Julliard, Mohican, connaissez-vous Charlie ? C'est une enquête ? C'est un pamphlet ? Oui, c'est une enquête, c'est plus qu'une enquête aussi, c'est une forme de journalisme littéraire où j'étais quand même attaché à Cavana et à ces personnes. Est-ce que vous avez consacré avec votre fille Nina un film ? Oui, ouais. Jusqu'à l'ultime seconde, j'écrirai quoi. Et j'ai rencontré cet homme à la fin de sa vie, que je le connaissais depuis longtemps, et il était désespéré de ce que devenait Charlie Hebdo, et il était en colère contre un certain nombre de personnes que je voyais réapparaître sur des écrans de télévision. Et c'est sans doute ce qui a été l'un des clics qui m'a poussé à écrire, quoi. C'est un livre qui est né d'un besoin assez viscéral. Et tout le monde me déconseillait de le faire, hein. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait un devoir de justice et de justesse à écrire ce livre. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai eu beaucoup d'ennuis quand il est sorti, puisqu'on a, les gens que je mets en cause ont tout fait pour l'éteindre. Puisque le livre brûle un peu, ils n'y sont pas parvenus. Ils ont envoyé des courriers d'avocats, ils ont fait des pressions, etc. Donc vous faites allusion à Philippe Val. À Philippe Val, à Richard Malka, et puis aussi à ces personnes qui, y compris à l'intérieur de Charlie Hebdo, sont devenus des affidés de ces gens-là, quoi, qui ont complètement délaissé l'esprit précurseur et magnifique scientifique qui était le Charlie Hebdo du début pour en faire un outil de propagande pas drôle. Alors commençons par le début. Pour vous, Denis Robert, c'est quoi l'esprit Charlie? C'est une bande de gens formidables qui sont des créateurs. On dit aujourd'hui des génies, mais à l'époque ils le savaient pas. C'est-à-dire, si on commence au début, c'est évidemment Cavanagh et Choron, mais c'est Fred, c'est Topor, c'est des dessinateurs incandescents, des types formidables. Et puis ensuite c'est Reiser, et puis c'est l'arrivée des chroniqueurs. Enfin évidemment Cabu, Volinsky, Willem. Enfin je vais pas tous les énumérer. Et puis des chroniqueurs comme Sylvie Caster et d'autres qui avaient une liberté totale et qui étaient réunis grâce au génie de Cavanagh. Parce que Cavanagh, en dehors de ses immenses talents d'écrivain et d'éditorialiste, il avait le talent de révéler le talent des autres et de leur donner confiance. Et Charlie Hebdo, d'abord Harakiri, mais ensuite Charlie Hebdo, était comme un journal d'une immense liberté qui politiquement était quand même très engagé, très à gauche, très écolo, avant l'heure, enfin, etc. Et il y avait une liberté, une indépendance. Charlie Hebdo a formé politiquement tout un tas de gens de ma génération, des humoristes, des journalistes, des guignols de l'info à Groland, en passant par des centaines de personnes, Guy Bedos, à l'évêque, Porte, enfin je peux en citer 50, qui sont des enfants de Cavanagh et de Choron. Est-ce que cet esprit a évolué avec le temps? Ce qui s'est passé, c'est pour ça que je trouve que c'est un détournement très grave qui a été opéré par Philippe Val et ses amis. C'est parce que l'esprit de Charlie Hebdo a été détourné. C'est-à-dire qu'on a gardé l'étiquette, c'est devenu une marque, et on a changé le contenu, et on a trompé le lecteur. Alors, on peut me rétorquer que oui, l'époque a changé, donc c'est normal que Charlie change. Vous rétorquer surtout, Denis Robert, que la plupart des dessinateurs sont restés avec Philippe Val. Pas tous, Choron et Ciné. Enfin, si, ils sont restés. Mais justement, c'est là où il se passe une manipulation qui est compliquée à décrypter, mais que je décrypte dans le livre, qui est une manipulation au niveau judiciaire, par tout un tas de documents, au niveau notarié. Et si vous voulez, des personnes qui n'étaient pas ingénues, je pense à Val et à Malka, ont abusé de la confiance de personnes qui l'ont été, ingénus, et ils ont acheté aussi un peu avec leur salaire, avec leur pitance pour certains, la conscience de ces gens-là qui ne pensaient qu'à écrire ou qu'à dessiner et qui n'étaient pas malins au fond et qui se sont fait avoir. Là, je le dis un peu rapidement, mais dans le livre, j'ai des faits, j'ai des témoignages très précis qui ont été recoupés, enfin, et donc ça repose sur des documents. Mais ce qui est grave, si vous voulez, quand on prend un nom de voiture, un nom de peintre comme Picasso pour vendre une voiture, on peut se dire c'est du business et Picasso il s'en fout quoi. Quand Chantal Thomas vend son âme aux Japonais pour vendre des soutiens-gorge, on peut se dire bon c'est des soutifs, on s'en fout. Là on parle d'un journal et un journal a une valeur symbolique qui est vraiment différente et on touche on parlait de Marguerite Duras tout à l'heure, à quelque chose de l'ordre du crime sublime, quoi. Je trouve que c'est criminel d'avoir fait ça au niveau symbolique, c'est-à-dire d'avoir trompé le lecteur, d'avoir, vous savez, quand, en 92, quand La Grosse Bertha sort, qui était le journal qui avait été créé par Forcadell et d'autres, dont Philippe Val, il vendait à 10-15 000 exemplaires. Les types, Philippe Val... Contre la première guerre du Golfe. Voilà. Ils se sont... Val, Cabu et d'autres sont partis, et ils ont repris le même journal, ils ont changé l'étiquette, ils en ont vendu 180 000. Et ils ont fait petit à petit dériver le journal. C'est là où je trouve qu'il y a un détournement de fond. Ensuite, ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça, donc le fond, c'est un peu l'argent... Mais c'est un détournement complètement légal. Je les accuse pas d'avoir truandé le fisc ou ce genre de choses. Ils se sont enrichis, grassement enrichis. Mais c'est surtout un détournement de fond, un détournement de sens. C'est pour ça que c'est une histoire compliquée qui demande du tact, qui demande du temps et qui demande une enquête écrite, réfléchie et très factuelle. J'ai essayé d'être comme un entomologiste, vous savez. On prend les éléments, on essaie de mettre de côté son affect et c'est porté par un souffle qui est celui de mon indignation, quoi. Mais c'est encore plus complexe que ça parce que ce journal, cet esprit-là ne disparaît pas vraiment. On pouvait trouver dans le nouveau Charlie encore un peu à travers quelques dessinateurs, à travers quelques signatures, encore de cet esprit original de Charlie. Mais moi, j'adore lire Philippe Lançon, j'adore lire Laurent Léger, j'aimais certains dessins de Charbe, etc. Je peux énumérer des choses que j'aimais dans Charlie. Mais si vous voulez, d'abord, ils auraient pu s'appeler autrement, c'eût été beaucoup plus simple. Et en plus, je ne leur reproche pas, d'abord, je leur reproche rien. Je raconte une histoire la plus factuelle possible et je suis pas le juge ou l'arbitre de ces élégances-là. Mais je trouve que où ça me pose un problème véritable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, vous savez, c'est très intéressant parce que quand Cavanna a cédé le titre, il a loué le titre à Philippe Val, il avait aucunement confiance en lui. Et il a mis 3 années à établir le document judiciaire auquel il a adjoint un codicille en 95 d'une page qui dit l'esprit qui ne doit pas être trahi. Et je peux vous citer 50 exemples de textes où l'esprit de Charlie Hebdo a été trahi. Et donc, les gens, les lecteurs un peu naïfs qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait en coulisses, voyaient que Charlie Hebdo était pour le oui à l'Europe, se moquait de la gauche alternative, était pro-guerre. Enfin, petit à petit, c'est toutes ces lignes-là ont été franchies jusqu'à une certaine forme d'islamophobie qui était réel à mon sens dans l'excès. Alors évidemment, dès que j'arrive sur ce terrain-là, c'est un terrain qui est dangereux parce qu'on va me dire oui, je cherche aucunement à justifier les horribles attentats qui ont troué le ciel et qui moi m'ont laissé complètement perdu et en pleurs parce que j'avais des amis là-bas. Mais simplement, il y avait une, vous savez, c'est comme ces plaisanteries de fin de repas. Il faut que le blasphème soit présent. Il faut qu'on sorte des vannes, y compris sur l'islam, sur les juifs, sur le catholicisme, etc. C'est pas ça le problème. C'est l'excès. C'est ces fins de repas où le tonton raconte pour la 20e fois la même histoire de cul. On a envie de lui dire de la fermer, quoi. Et sur les dessins du prophète, les caricatures, etc. À mon sens, il y avait un peu de ça. C'est-à-dire que ça n'était plus drôle. La répétition n'était plus drôle. Et c'est simplement ça que je dis. On peut rire de tout à condition d'être drôle. Ça a l'air d'être une tautologie, mais ça l'est pas. Alors, mais eux, dans le camp adverse, puisque maintenant il y a des camps, ils disent qu'il n'y avait pas tant que ça de une consacrée à l'islam, Denis Robertski. Non, mais c'est vrai si on prend le, ouais. le Charlie de toute la sur une longue période, mais sur cette période assez courte, c'est pas vrai. C'est sur les dessins, quoi. Sur les dessins, je veux dire le prophète. Moi, j'ai pas à juger de si on doit le dessiner ou pas. Je pense qu'on doit le dessiner, mais simplement. À la fin, il savait plus ce que le prophète on lui faisait faire des tellement de trucs. Enfin, je veux pas énumérer ici au micro, mais vous voyez, ça a pris des proportions qui étaient dingues, quoi. Enfin, et un peu trop répétitives. Et le Charlie de l'après 7 janvier. Alors, d'abord, c'est formidable qu'il ressorte. Et donc, je suis, faut pas se méprendre, c'est très compliqué pour moi de juger de la qualité ou de l'absence de qualité des dessins et tout. Ça demande une énergie, un courage, et sur les morts et en raison de cette folie meurtrière, il fallait que ce journal ressorte, quel que soit son contenu, j'allais dire. Simplement, là, si vous voulez, c'est plus d'ordre structurel qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le nouveau Charlie, c'est qu'il y a une reprise en main. Parce que Rhys est un bon dessinateur, c'est pas un gestionnaire de talent. Il arrive aujourd'hui, il a 70% des parts, mais il gère ce journal, et je le sais parce que de l'intérieur, j'ai des amis qui aujourd'hui se taisent, mais qui ont démissionné, je pense à Pelou, soit sont partis, je pense à Luz, soit sont en congé maladie, je pense à Laurent Léger, soit sont sur le point d'être virés, je pense à Zineb, etc. Ces gens-là sont complètement mis à l'écart, comme d'autres d'ailleurs. Et il y a un tout petit groupe derrière lequel on retrouve Richard Malka, on retrouve cette communicante Anne Hommel, qui était quand même la communicante des grands patrons et de tout ça, qui aujourd'hui sont les marionnettistes, en quelque sorte, qui font bosser. Ben, marionnettiste, le mot est peut-être fort, parce que Rhys a quand même un libre arbitre. Mais ce sont eux qui gèrent la boutique. Et ce sont eux qui ont fermé les portes à cette société des rédacteurs. Et ce que je trouve assez incroyable d'ailleurs, au regard de l'histoire, c'est qu'ils reproduisent 20 ans après, 23 ans après, ce qui s'est passé au moment de la reprise en main de Val par Charlie Hebdo. Parce que quand Val a repris Charlie Hebdo, les vieux de la vieille, on va dire les Mohicans, Willem, Delfeuille d'Auton, Cavana, Ciné, Volin, etc., voulaient recréer une société des rédacteurs qui prenait des parts dans le capital du Charlie Hebdo. Et Val, après on rentre dans une histoire compliquée que je raconte dans le livre, grâce à GB, mais aussi surtout grâce à Cabu, a réussi à contourner cet obstacle-là, à garder quasiment les pleins pouvoirs dans le journal, en éliminant cette idée de société des rédacteurs. Et aujourd'hui, vous avez la même chose qui est en train de se passer. Des types qui sont passés par ces épreuves-là, je pense à Laurent Léger, je pense à d'autres, veulent que prendre part au capital, parce que cet argent-là, elle n'appartient pas à Harris, elle n'appartient pas à Malka, à Nomel, à tous ces gens qui aujourd'hui sont à la tête de ce journal. Elle appartient à, j'ai envie de dire, à personne, ou en tout cas, elle appartient aux fantômes, aux victimes, elle appartient aux gens qui ont fait ce Charlie Hebdo. Et il n'est pas question de capital, d'actionnariat, etc. Il y a un esprit qui est là. Alors justement, ils n'ont pas compris. Et là, ils refusent à ce que ces gens-là se constituent en société des rédacteurs et prennent des parts. Pourquoi, pourtant, d'après vous, Denis Robert? Mais parce qu'ils veulent, ils sont toujours dans la même idée de faire un journal qui soit ils reprennent le journal de Val et des types qui étaient là avant. Ils reproduisent des schémas qu'ils ont appris, et ils ont peur qu'on vienne manger leur pré carré, enfin qu'on vienne qu'on fasse ils sont très cloisonnés. Ils ont les actions, ils ont le pouvoir, donc ils ont une gestion très directoriale. Mais vous le lisez encore, Charlie? Je le lis pas tout le temps. Je lis avec plaisir Nicolino, je lis Lançon. Il y a des dessins de y compris Driss que je trouve bien. Ceci dit, je trouve que le journal est un pas peu passif. L'esprit Charlie, l'original. Il y est pas par instant, mais ça serait complètement nul aujourd'hui de vouloir leur produire. Il s'agit pas, c'est plus les gens sont plus là, et on n'arrivera jamais à dessiner et comme Reiser. Et l'époque n'est plus la même non plus. Mais c'est pas un problème d'époque, c'est un problème de liberté et d'humour. On peut être libre et on peut être drôle n'importe comment, mais ça demande c'est comme de l'oxygène, de l'humour, ça demande une immense liberté. Et c'est très très compliqué pour eux, parce que ils sont dans un bunker, ils sont sur des cadavres, et ils doivent être drôles. Donc s'ils pigent pas qu'il faut s'ouvrir aux autres, qu'il faut lâcher un peu au niveau de, il faut écouter ce que dit cette société des rédacteurs plutôt que de s'enfermer, de gérer toute la communication, d'embaucher une directrice de com qui parle au nom des patrons et de DSK, etc., pour parler au nom de Charlie Hebdo. Mais c'est un non-sens, c'est une abomination. Alors Denis Robert, vous savez très bien, vous êtes très bien placé pour savoir que cette crise-là, telle que vous la décrivez, avec les mots que vous avez choisis, on peut l'appliquer aussi bien à un journal comme Libération, qui a bien changé depuis, et d'autres titres de la presse nationale. Mais oui, mais moi, j'enquête pas sur Libération, je pourrais d'ailleurs. Mais sur Libération, la symbolique et le drame n'est pas du tout le même. Charlie Hebdo est devenu une marque planétaire, vraiment planétaire. 8 millions de personnes l'ont acheté. Moi, j'ai présenté mon film sur Cavana au Mexique, en Islande, aux États-Unis. Je dois aller au Japon, en Allemagne. Enfin, tout le monde parle de Charlie. Donc, il y a comme une responsabilité supérieure. Il y a quelque chose d'unique autour de ce journal aujourd'hui. Et c'est son unicité qui a fait aussi mon intérêt et qui fait que cette histoire est extraordinaire. Et qu'il faut absolument, c'était un devoir pour moi que d'être le plus rationnel et le plus précis possible, et de pas laisser la parole à des gens que je considère comme des usurpateurs. Merci beaucoup Denis Robert. Pour avoir plus de précision, votre livre chez Julliard, c'est une enquête écrite avec vos tripes, parce que vous parlez, vous hurlez. Charlie, ça fait partie de votre histoire et on le sent très bien. Mohican, c'est le titre de ce roman.